jamais eu l'occasion de discuter avec les représentants du groupe Les 39. Donc là, pour voir un peu voir comment on peut envisager les choses en chambre. Alors moi, ce que je voudrais dire, parce que je partage complètement le constat qui a été fait par vous, et en même temps, une fois qu'on partage un constat, il y a tout un tas de questions qui émergent. Comment ça se fait? Finalement, on est trois psychiatres d'âges différents, et on est engagés presque de la même manière, même si on ne partage pas complètement le même vocabulaire. Et pourtant, ce que vous décrivez se met en place, et quand on discute avec plein d'autres psychiatres, il y en a d'autres dans la salle, je sais, il y a plein d'universitaires, on partage presque tous le même constat, et pourtant ça marche. Et je crois que c'est ce « et pourtant ça marche », moi qui m'a posé le plus de problèmes et que j'essaie de comprendre. Et que je voudrais essayer de voir avec vous comment ça se fait finalement que ces logiques que vous décrivez fort justement arrivent à tenir et arrivent à, d'une certaine manière, à ce que le groupe des résistants, non seulement il n'est pas très nombreux, mais surtout, en dépit de ce que vous faites et que je trouve vraiment très remarquable, ces petits moments de reconquête de liberté, ces résistants, ils perdent quand même assez souvent en ce moment. Et donc, c'est de ça dont j'aimerais discuter avec vous. Alors, j'en parle à double titre. Hein. J'en parle, bien sûr, comme un chercheur qui travaille sur ces questions et aussi comme un psychiatre qui fut pendant pas mal de temps directeur médical d'un hôpital. Je ne le suis plus pour plein de raisons et qui ont directement à voir avec tout cela. Mais aussi qui était un lieu très privilégié pour pouvoir analyser la façon dont ces nouvelles modalités sont mises en place. Et je crois que ce sont vraiment des modalités de gouvernance qui sont étroitement similaires à ce que l'on vit à l'université. Pour vous dire juste un point anecdotique qui ne vous intéressera pas, mais moi qui m'intéresse, c'était que j'étais très content d'avoir quitté l'hôpital et de me retrouver à l'école des hautes études, et je retrouve à peu près la même chose, enfin, pas exactement pareil. Et d'ailleurs, je me retrouve dans un labex, et je trouve ça à la fois très intéressant, et c'est pas étonnant que je m'y retrouve, parce que j'ai une certaine familiarité avec ces choses-là. Donc, bien sûr, c'est pas si étrange que cela. Alors, la première chose que je voudrais souligner avec vous, c'est qu'il y a quand même une spécificité de la psychiatrie par rapport au reste du monde de la médecine que vous n'avez pas noté, que j'aurais aimé qu'on puisse souligner d'emblée. C'est qu'à la différence du reste du champ de la médecine, depuis les années 50-60, ce sont les psychiatres qui organisent le champ de la santé publique par rapport à la psychiatrie. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, on pourrait dire. Ce n'est pas les chirurgiens qui pensent la planification chirurgicale de la France, ce n'est pas les médecins qui l'ont pensé. Là, les psychiatres, et ceux dont vous êtes les héritiers, l'ont pensé. Il y a eu quelque chose qui a été mis en place qui était à la fois un management, pourrait-on dire, mais un management de santé publique élaboré, réfléchi, étroitement réfléchi avec les techniques thérapeutiques et avec la façon dont on concevait le soin aux malades. Alors c'est quelque chose qui est à la fois très surprenant, très original, et qui n'est plus parce que le pouvoir a été repris. Et je crois que c'est ça qui est intéressant de voir, c'est comment le pouvoir a été repris et pourquoi il a été repris. Alors ce que j'aimerais vous proposer, c'est 4 temps, comme ça, mais vraiment très rapidement et très brièvement, pour essayer de voir comment les choses se sont organisées. Le premier, c'est bien sûr celui de la santé mentale. La santé mentale, vous l'avez dit, ce qui est intéressant dans le mot de santé mentale, c'est celui de santé bien sûr, mais c'est aussi progressivement la disparition du champ classique de la psychiatrie, de cette affaire-là. La santé mentale, ce n'est pas les malades mentaux. Alors je suis obligé de le dire à mes collègues, jeunes collègues psychiatres, vous vous trompez, hein, vous vous trompez là-dessus, et vous avez raison d'y croire, mais dans le champ de la société, les malades mentaux, c'est vraiment plus une question. Alors pourquoi c'est plus une question? Il y a plein de raisons. Il y a des raisons politiques, c'est évident. Il y a l'organisation actuelle qui vient évidemment lui donner une coloration populiste et répressive que notre président sait remarquablement faire. Mais le mouvement est bien plus ancien. Le mouvement est plus ancien d'abord parce que, d'une certaine manière, même au bon vieux temps où les psychiatres avaient le pouvoir, on était aussi dans une régulation sociale. Au fond, on pourrait dire, pour aller très vite, que pendant très longtemps, la société a laissé tranquille les psychiatres par rapport à ce qu'ils faisaient aux malades mentaux. Il leur suffisait que les malades mentaux soient à l'hôpital pendant un temps, soit dehors pour que le problème soit géré, et personne n'allait y voir de plus près. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on est allé y voir de plus près. Et pour quelle raison? Pas parce qu'il était intéressant d'aller voir ce qui se faisait avec les malades mentaux, mais parce que la santé mentale, comme vous l'avez dit, est devenue un enjeu crucial des politiques contemporaines. Alors pourquoi est-ce que c'est un enjeu crucial? Pas parce que les gens vont forcément mal, mais parce que, je vous le faire très rapidement, mais parce que justement la folie dont parle Foucault, par exemple dans l'histoire de la folie à l'âge classique, n'est plus du tout la préoccupation de notre société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette idée d'un grand partage entre d'un côté la raison et de l'autre côté la déraison, avec la nécessité d'avoir un lieu bien ordonné, bien pensé, qui soit le lieu de la déraison et qui permette, comme le montrait très justement Foucault, que le reste était la raison, et voilà, on administre un peu la déraison, et en administrant finalement peu la déraison, on administre globalement et de façon magistrale le champ de la raison. Il me semble qu'aujourd'hui, on a changé de paradigme, et on n'est plus dans cette opposition entre raison et déraison. D'ailleurs, un des éléments, c'est que les psychotiques sont même considérés comme suffisamment raisonnables pour qu'on puisse penser qu'ils vont aller en prison, pour qu'on puisse penser qu'ils mériteront d'être punis. N'allons pas imaginer que c'est simplement plus répressif de penser qu'on peut punir le psychotique. Ça veut simplement dire aussi que la radicale altérité qu'il représentait autrefois n'est plus présente. Alors ça, c'est une question. Pourquoi le fou n'est plus considéré comme aussi radical devant nécessité, je dirais, des mesures différentes? C'est peut-être une victoire des psychiatres. Mais alors, le prix est énorme par rapport à cela. Donc le premier élément, c'est cette santé, mais qui organise, je dirais, les choses de façon toute simple, qui sort les malades mentaux et les psychiatres du giron de ce qu'ils pouvaient organiser auparavant. Alors, juste un petit mot sur le rôle des hospitalo-universitaires, et vous avez parfaitement raison de les mentionner. En même temps, il faut bien voir que ce ne sont pas eux qui régentent complètement le champ de la psychiatrie, et eux, ils ont une question cruciale qui est de défendre en permanence leur légitimité, pas auprès des psychiatres, mais auprès des autres hospitalo-universitaires. C'est un enjeu qui est finalement presque extérieur à celui de la psychiatrie, et ils se battent au quotidien pour défendre leur précarité. C'est important à noter, ça me fait revenir à mon deuxième point, c'est que les hospitalo-universitaires n'ont pas le pouvoir dont les psychiatres non-universitaires les créditent. Et d'une manière plus générale, et c'est là mon deuxième point, c'est la diminution ou la perte des pouvoirs antérieurs, et plus particulièrement du pouvoir médical. Alors ça, c'est une notion sur laquelle j'aimerais passer quelques minutes, parce que elle me semble essentielle. On sait tous, plus ou moins, assez satisfaits du fait qu'il y avait une sorte de disparition du classique pouvoir médical. Il y a eu pas mal d'enquêtes de sociologues qui ont été faites sur l'hôpital, d'anthropologues, montrant justement ces mandarins, montrant d'une certaine manière du doigt ceux qui détenaient un pouvoir au nom de quoi détenait-il ce pouvoir? Au nom d'un savoir. Et il me semble que ce qui s'est transformé ces dernières années, ce sur quoi je travaille beaucoup en ce moment, c'est justement l'inversion du rapport entre savoir et pouvoir. Au fond, il est vrai, il y a eu des mandarins, en médecine, à l'université aussi. Il y a des gens qui, au nom du savoir, ont d'une certaine manière abusé du pouvoir qu'ils y avaient. De sorte qu'on a dit, je dirais presque de façon tout à fait légitime, au fond, c'est pas si légitime que ça, que les gens qui ont le savoir aient nécessairement le pouvoir. Sauf que ce qui se met en place, c'est que les gens qui n'ont pas le savoir commencent à avoir la légitimité d'avoir le pouvoir. Alors ça, c'est un renversement tout à fait intéressant et qu'il faut vraiment noter, notamment dans toutes ces techniques de qualité, d'évaluation, d'accréditation. J'en avais parlé un petit peu là cette dernière fois. Vous aviez eu la gentillesse de m'inviter l'année dernière à ce séminaire pour parler des procédures d'évaluation. Et j'avais essayé, je leur dirais très rapidement, de montrer comment, finalement, la logique évaluative aujourd'hui est une logique qui soupçonne le sachant. Et ce n'est pas un hasard si on va toujours demander à quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il va évaluer de venir l'évaluer. Parce que justement, en ne connaissant pas, il ne peut pas être soupçonné d'y mettre de sa subjectivité. Je ne connais rien à ce que vous faites. Vous ne pouvez pas m'accuser de trahir la vérité. Quelle vérité? Celle des critères. C'est-à-dire que l'évaluateur est posé là, précisément, dans une place d'ignorance. Et c'est cette ignorance qui justifie pleinement la rigueur de son travail. Alors que celui qui sait, il devient trouble. Il ne va pas avoir un intérêt là, à modifier les choses. Et puis s'il dit que ça, c'est pas bien, c'est parce qu'il pense que lui, c'est pas bien, parce qu'il ne fait pas la même chose. Non, il y a un renversement qui met, alors là, un nombre beaucoup plus considérable de gens, les ignorants en position de pouvoir. Et moins vous avez de savoir, et plus vous êtes, pas sûr que vous ayez plus de pouvoir, mais plus vous êtes légitime pour l'avoir et légitime pour aller juger de celui qui, dans une position de savoir, revendiquerait un certain modèle, un certain pouvoir. Et là, on a un dispositif général qui s'est mis en place aussi bien à l'hôpital qu'à l'université. Les techniques d'évaluation de l'université, j'ai eu la chance de participer à une évaluation de l'ARS avec des gens fort sympathiques d'ailleurs, et qui, justement, régulièrement, s'excusaient de ne pas connaître les sujets sur lesquels ils étaient en train de se prononcer, mais en disant que les BR, c'était pas très grave, ils avaient une grille à côté d'eux qui leur permettait. Et c'est vrai que la grille permet. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que permet la grille, c'est d'installer le sujet qui est là, et je ne pouvais que me dire qu'il était de bonne foi, et que je ne pouvais pas le soupçonner de me mettre une mauvaise note. C'est évident, puisqu'il n'avait aucun intérêt à mettre une bonne ou une mauvaise, il était insoupçonnable. Alors, vous voyez, ce transfert du passage de celui qui sait, qui est soupçonnable, à celui qui ne sait pas, qui devient l'innocence, et qui est celui qui, littéralement, prend le pouvoir. Et ça, je crois que c'est très important à saisir, parce que c'est justement ce que nous n'avons pas vu il y a quelques années, qui se mettait en place depuis très longtemps, et qui s'était mis en place, par exemple, à l'hôpital, avec une loi venant de gauche, qui était la loi de la démocratie sanitaire. Et je crois que c'est un point important, cette démocratie sanitaire. On a été nombreux, je dirais, à dire enfin quelque chose de démocratique dans cette loi. Quelque chose qui redonne du pouvoir aux malades contre l'abus de pouvoir médical. Mais je ne sais pas si certains ont été la lire en détail, cette loi sur la démocratie sanitaire. Elle ne fait que anticiper ce qui serait d'un conflit de pouvoir entre le médecin et le malade et de quelque chose de l'ordre d'un abus de pouvoir. C'est-à-dire que cette loi cherche partout à éviter l'abus de pouvoir du médecin. Si ce n'est pas une loi qui vient défendre les intérêts du malade, parce que je ne sais pas, vous savez tous comme moi que les malades ils demandent plus d'arrêt de travail, plus de médicaments, plus de dépenses, mais ce n'est pas celui-ci qui est ciblé. Alors c'est ça qui est assez formidable dans la rhétorique de cette loi, où on a l'impression qu'on nous parle des droits intimes du malade, mais on ne lui parle que d'un citoyen dans une machine qui va le broyer et qui va prendre possession de son corps, qui va prendre possession de sa liberté, et où un certain nombre d'acteurs vont venir défendre ces droits. Qui sont ces acteurs? Les associations de malades, les associations d'usagers, les pouvoirs publics et les administrateurs. Et c'est comme ça que les administrateurs et les directeurs d'hôpitaux vont rentrer dans une possibilité d'être non pas simplement les représentants de leur entreprise, mais ceux qui garantissent qu'à l'intérieur de leur entreprise, le travail s'y fait bien et qu'ils mettent, d'une certaine manière, les gens sous une certaine surveillance. Alors, ce n'est pas simplement un argument médico-économique, parce qu'il y a quelques années, je m'étais livré à un exercice stupide, je vous l'accorde, mais qui est de comparer les dépenses, le niveau des dépenses de santé entre le moment où les médecins étaient directeurs des hôpitaux et le moment où les administrateurs sont devenus directeurs des hôpitaux. Et en fait, ça flambe. À partir du moment où vous avez des gens spécialisés dans les budgets explosent et les déficits ne font que croître. Bien sûr que ce n'est pas simplement parce que c'est plus des médecins, c'est faux. Sauf que, ça montre bien quand même que la dimension managériale n'est pas simplement une dimension de maîtrise économique. Il y a autre chose, c'est un argument très puissant, mais c'est un argument d'une autre nature qui vient servir là, à mon sens, une reprise de pouvoir majeure qui est celle, et que l'on voit dans toute la société, et qui explique aussi la difficulté dans laquelle on peut se trouver, et ce que je disais au début, mais pourquoi ça marche tant, d'un ciblage beaucoup plus général des sachants et des intellectuels dans notre société d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut vraiment aller jusqu'à ce point et mesurer à quel point être crédité d'un certain savoir et crédité d'un certain usage de la pensée nous rend particulièrement suspects. Et que tous ceux qui finalement arrivent à s'échapper un petit peu à s'échapper, à se dire ah, finalement moi j'ai un savoir mais il ne me permet pas d'interroger un certain nombre de choses est beaucoup moins suspect dans le modèle de l'administration. Et ce management, vous voyez bien, encore une fois, je dirais, les pauvres malades mentaux, on n'en a strictement rien à faire dans cette histoire-là. Alors, Christian Topalov disait au début, la façon dont la société soigne ses fous donne un éclairage de ce qu'est cette société. Je crois que c'est vrai, en même temps que c'était vrai à une certaine époque. Et aujourd'hui, les fous, en gros, c'est des miséreux. Les trois quarts des patients schizophrènes, grâce aux lois sur le handicap, ont changé de rubrique. Ils ne sont plus dans le champ de la psychiatrie, ils ne sont plus dans le champ de la santé mentale, ils sont dans le champ de la misère. D'ailleurs, si vous allez interroger les gens qui s'en occupent, attendez, on leur a obtenu un certain nombre de choses. Ils ont l'équivalent du RMI, ils ont l'équivalent d'un certain nombre de prestations, dont on sait très bien que quelqu'un qui a toutes ses capacités, toutes ses compétences intellectuelles, physiques et autres n'arrive pas à vivre avec ça, comment peut-on imaginer qu'un schizophrène pourrait ? Sauf que ça ne nous choque pas, ça. Ce qui nous choque pas, c'est que finalement, on a réussi ce grand partage, ce grand départage, si vous voulez, de faire sortir les grands malades mentaux du champ de la folie, de les assimiler à une couche sociale, celle qui, soi-disant, leur correspondait le mieux, et qui est celle des populations précaires. Donc là, ils sont vraiment très bien gouvernés, nos malades mentaux, comme sont gouvernés les pauvres. Alors évidemment, la question se pose, mais qu'ont à faire les psychiatres là-dedans ? Ben, ce qu'ils ont à faire, c'est justement ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, encore et toujours de la régulation sociale. Mais la régulation sociale de la psychiatrie aujourd'hui n'a rien à voir avec la régulation des fous. C'est de réguler les gens normaux. Et ça, les psychiatres le font de mieux en mieux. Ils sont sur tous les plateaux de télévision, on en parle de mieux en mieux. Et en même temps, c'est normal, je dirais. C'est un champ énorme, la normalité. Et il faut bien voir que cette transformation-là est absolument essentielle pour comprendre à la fois ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est une entreprise comme une autre, la maladie mentale est une maladie comme les autres, et encore, c'est même pas forcément une maladie, mais le champ de la normalité, lui, il s'ouvre alors à fond, et c'est là, me semble-t-il, je trouve que c'est très très bien ce que vous faites, comme, enfin, je trouve ça passionnant, hein, cette subversion, mais il faut aller au-delà, me semble-t-il. Et moi, j'essaye d'aller au-delà, justement, il faut aller subvertir aussi ce champ de la normalité, aller aussi subvertir ces lieux dans lesquels on nous dit que bien sûr, attendez, quelqu'un qui va mal au travail, c'est la chose la plus épouvantable de la vie. Oui, c'est la chose la plus épouvantable. Mais que se passe-t-il avec tous ceux qui sont au travail et qui ont oublié de dire qu'ils souffraient ? Il y en a plein qui vivent un certain nombre d'inégalités et que ces inégalités ne sont pas entendues dès lors qu'elles ne sont pas exprimées en termes de souffrance. Donc soignons les gens qui souffrent pour leur redonner peut-être, si nous y arrivons, la capacité de se mobiliser et de lutter, non pas pour aller bien, mais pour que leurs conditions sociales soient meilleures. Voilà, je voulais dire ces quelques mots.